claque la peau de couille pour conserver le tabac. Les poils de cul, ça se fume quand y'en a pas. Garde une peau de couille en réserve chez toi. Tu en auras un jour besoin, crois-moi. On a toujours besoin d'une peau de couille chez soi pour emballer les réserves de tabac. Chez soi pour emballer les réserves de tabac.